Je suis avec Alexis, Julien et Antoine donc de Early Maggot, Soldierside et Meteora, trois tribus de bandes, de groupes un petit peu connus de la sphère néo-métal. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir répondre à mes questions. Enchanté. Invité. On va de suite le préciser. Si je vous ai proposé aussi l'interview aujourd'hui, c'est parce que vous allez venir le 16 mai prochain sur Toulouse au Bikini pour une soirée où vos trois groupes vont jouer. Et c'est organisé par l'asso Regard avec lequel nous on travaille régulièrement. C'est très très cool, ça va être l'occasion de vous découvrir aussi sur scène pour ceux qui ne vous ont jamais vu. Est-ce que vous pouvez commencer par un petit peu vous présenter tous à tour de rôle, s'il vous plaît? Non, plus Alors c'est qui? vieux. C'est pas moi. Sortez des cartes d'identité. Allez, Ah ben t'as commencé à parler, Alexis, alors tu as joué. vas-y. Bon, c'est pas le plus vieux, du coup. Alors, nous, on est. Enfin, je suis Alexis, le bassiste et manager de Meteora. Donc, Meteora, c'est le tribut de Linkin Park qui existe depuis un petit peu plus de 10 ans, qui est originaire du nord de la France. Donc voilà, en fait, nous à la base on est une bande de copains amis du collège, donc on a toujours fait de la musique ensemble et on a été rejoint par Mitchell qui est un youtubeur qui avait un certain succès sur YouTube et du coup qui était très fan de Linkin Park. Et donc on a trouvé une bonne formule qui permet un peu de rendre hommage à notre idole qui est Chester Bennington. Voilà. Donc on joue sur tous les, on va dire les trois premiers albums de Linkin Park et c'est les morceaux qui permettent d'assurer l'ambiance la plus explosive en live. Surtout quand on joue avec un tribut Slipknot et un tribut System of a Down, il faut envoyer du costaud. Voilà. C'est sûr. Vous battez pas, Julien, à toi. Eh ben salut, moi donc c'est Julien, je suis chanteur d'Early Maggot. Donc nous on est sur Paris et l'histoire du groupe c'est que en gros en 2019 on a un pote qui organisait une soirée tribute sur Paris qui voulait un tribute Slipknot. Lui il avait un tribute Korn. Et bah il m'a passé un coup de fil, un petit mois de septembre, genre mec, dans un mois, voilà, on fait Halloween, voilà, la soirée, machin, est-ce que tu serais chaud de monter un tribut de Slipknot? Donc j'ai appelé les copains et puis ça s'est fait comme ça, voilà, en un mois et demi, tu vois, de ok les gars, faut qu'on apprenne tel tel morceau, on attend de 7, machin, on s'est fait 2-3 répètes et puis c'était parti, tu vois. Et en fait, enfin, sur cette date, il y a eu des gens qui ont filmé ça, qui ont fait des posts sur Instagram et tout. Et on a été contacté dès le lendemain par Alexis en mode je cherche un tribut de Slipknot moi aussi pour mon festival qui a lieu dans le nord de la France et tout pour l'année prochaine. Est-ce que ça vous intéresse? Et nous, on était en mode en fait, on n'est même pas un groupe, tu vois, genre on a fait ça juste pour le délire, une soirée. Et de là, on s'est dit, bah vas-y, go, s'il y a moyen de faire un fest derrière. Enfin, pareil, on est un groupe de potes et tout, et on a eu l'occasion de faire ça. On s'est dit, feu, Slipknot, c'est notre groupe préféré, on kiffe jouer les morceaux. Vous êtes les seuls en France. Et ouais, du coup, on était les seuls à faire ça. Et bah, derrière, on a continué. Enfin, il y a eu le Covid et on a, voilà, on s'est un petit peu, on a pris le truc un peu au sérieux, quoi. On a acheté des vrais masques, des vrais combis, essayé d'avoir développé la vraie image de Slipknot. Et de fil en aiguille, voilà, on s'est mis à pas mal tourner. Et puis voilà, on en est là, quoi. On a signé chez Rage Tour et puis bientôt, on sera vers chez vous. Voilà. C'est top. Oh, Antoine, je te laisse finir. Ok, bon, donc Antoine, c'est pas vraiment le nom de scène, hein. Oui. Les gens qui viennent voir Soldersey, ils me connaissent plus sous le nom de Tony. Donc moi, je suis guitariste et la deuxième voix de Soldersey, donc qui est un tribute System of a Down. Donc nous, l'histoire, en fait, je me suis rendu compte en préparant un peu cette émission que cette année, c'est les 10 ans de Soldersey. On n'en avait même pas parlé, même pas réalisé tellement ça passe vite. Et alors après, c'est, on va dire, une extension d'un précédent projet qui s'appelait Given to Fly, qui était un peu un melting pot de tous les titres qu'on adore des années 90-2000, dans lequel on avait un peu tout. Ça allait de Alice in Chains, Foo Fighters, du Metallica et du System of a Down. Et on s'est rendu compte que à chaque fois qu'on jouait, les deux titres qu'on jouait à l'époque, c'était Aerials et Toxicity, le public était ultra, ultra réceptif, sans vouloir dénigrer les autres groupes. Et puis, je parle des groupes qu'on reprenait. Et du coup, on a décidé de se lancer, de monter un set complet. C'était un groupe qui était culte pour nombre d'entre nous. Et puis, dans le groupe, on était quatre. On était tous à fond et on a commencé à monter ce projet-là. On a joué, on a eu la chance de faire 7 années de suite au Hellfest Cult, qui nous appelait. Après, alors, 7 années de suite, Solderside n'a pas joué toutes les années. On avait d'autres projets, notamment un karaoke live qu'on avait monté pour l'occasion. Et puis, en point d'orgue, ce petit passage inattendu sur la main stage du festival. Bon, c'était une histoire complètement hallucinante, un alignement de planètes incroyable. Mais voilà, donc c'était un gros, gros kiff. Et puis, après, on a commencé à croiser la route de nos chers amis de Météora à l'usine à musique, hein, si je ne dis pas de bêtises, Alexis, hein, les premières dates qu'on a pu faire ensemble. La première, c'était ça, oui, tout à fait. Ouais. Et puis après, avec Julien et les Magots, donc là, on avait fait le métronome l'année dernière. Donc, voilà, une sacrée belle soirée. C'est des salles de plus en plus grandes à Toulouse. Ouais, ça progresse, ça progresse. Voilà, ouais. Attention, parce qu'il y a un zénith à Toulouse. Hein, donc, ça me va, hein. L'année prochaine, voilà. Tout va bien. Et voilà, donc on est ravis là, de pouvoir accompagner donc, nos potes sur cette date au Bikini, parce que c'est quand même une salle mythique de Toulouse. Sur laquelle, moi personnellement, je suis allé voir nombre de concerts, mais j'ai jamais eu l'occasion de fouler les planches du Bikini. Donc, autant vous dire que j'ai le 16 avril, le 16 mai, pardon, qui vient s'annoter sur l'agenda. Là. On attend. Je comprends tout à fait. Vous l'avez déjà un peu dit, mais du coup, vous vous connaissez déjà tous entre vous, vous avez déjà collaboré ensemble. Est-ce que vous avez, comment ça se passe entre groupes de tributes? Est-ce que forcément il y a une dynamique, une synergie qui forcément se crée naturellement entre vous? Ou je suppose que c'est aussi un peu de l'humain parce que ça passe bien aussi avec les gens. Ouais, tu veux répondre, vas-y Alexis. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on a des tributes du style néo-metal des débuts des années 2000. Nous on est fans de Linkin Park, mais on est aussi fans de Slipknot, on est aussi fans de System, de Korn, de Biscuit. Moi, je suis aussi fan de Rammstein. Enfin bref. Et donc, nous, on fait ça vraiment pour le kiff, et c'est d'autant plus kiffant de jouer avec des tributes de groupes qu'on adore, parce qu'en fait, moi, à chaque fois, je me dis. Si moi j'ai été marqué par ces groupes-là et ça me ferait plaisir de les voir réunis lors de la même soirée, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas et qu'il y a plein de monde que ça intéresserait. Donc en gros, il y a moyen de faire une fête terrible avec des spectateurs qui seront en folie. Donc voilà. Donc après, quand on veut monter des soirées tribute Linkin Park plus d'autres groupes, on regarde un peu ce qui se fait en France. Et c'est pour ça que j'avais contacté Julien, parce que ça faisait un moment effectivement que je cherchais un tribut de Slipknot, et puis en gros fan de Slipknot. Donc quand j'ai vu un tribut de Slipknot qui avait l'air d'avoir un énorme potentiel, je les ai ramenés, puis de fil en aiguille, maintenant on fait quasiment les trois quarts de nos dates avec eux. Et donc System, c'était pareil, en France, le Soldier Side, c'est la référence du tribut de System, donc... on était amené à jouer avec eux et donc ça, à chaque fois c'est des soirées qui rencontrent un succès phénoménal parce que les gens ont été marqués par tous ces groupes lors de leur adolescence. C'est à ce moment-là où les goûts ils se forgent et puis quand on est fan de ces groupes lors de notre adolescence, ça va nous accompagner quasiment toute notre vie. Donc lors de nos concerts, on va voir des gens d'une vingtaine d'années, trentaine d'années, quarantaine d'années, voire 50, 60. Et puis eux, ils ramènent leurs enfants et c'est un passage de témoin. Enfin, c'est incroyable. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question, mais en fait, on se contacte, en fait, on s'est contacté. Et puis bon, après, c'est échange de bons procédés. Voilà, on était venu à Toulouse. Après, moi, il y a quelques dates où j'ai invité Soldierside vers Compiègne, Amnéville, dans le nord de la France aussi, mais ça n'avait pas pu se faire. Mais enfin, voilà, donc après, en fait, c'est assez naturel. On se rend service parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et puis, ça fait plaisir à tout le monde, en fait. Et puis en plus, humainement, ça se passe très bien. Donc, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ouais. Ok. Bah, là, tu as commencé un peu à en parler, donc je vais rebondir dessus. Tu parlais du public et justement de cette ambiance un peu particulière autour du public lors des concerts de tribute. Comment vous décririez ça et comment vous expliquez que justement il y a des fois, enfin, il y a limite plus d'ambiance sur des concerts de tribute que des fois sur potentiellement sur les vrais groupes et même sur d'autres groupes ou même sur d'autres groupes, on va dire classiques, qui ont leur propre musique, quoi. Vas-y, Julien. Ben, vas-y, je suis chaud de répondre à ça. En fait, moi, pour le coup, et j'ai toujours d'ailleurs, j'ai un autre groupe à côté qui s'appelle Atlantis Chronicles, on fait de la compo, et j'ai eu voilà, d'autres projets musicaux, voilà, où on a fait des albums, etc., des concerts. Et en fait, je trouve que la scène tribute, elle est complètement différente. Tu vois pas vraiment le même public, c'est beaucoup plus large en fait. Tu vois vraiment, comme disait Alexis, des familles qui viennent, alors que quand même, enfin bon, Slipknot c'est quand même bagarre, tu vois. Et tu vois des gens qui viennent avec leurs gamins et tout, c'est toute la famille qui vient parce que tu vois, le daron, il est trop content déjà de revivre un peu sa jeunesse. Et comme pareil disait Alexis, le côté passage de relais, et tu vois que les enfants aussi, eux, kiffent Slipknot. Ou Linkin Park, enfin, Oui, c'est des groupes en fait qui sont là, mine de rien, depuis 20-25 ans et qui n'ont jamais arrêté. Donc ça touche plein de générations en même temps, ça fait un peu effet boule de neige. Et peu importe où tu vas jouer, tu es sûr de ramener du monde et tu es sûr que les gens, voilà, connaissent les paroles, chantent avec toi et connaissent tous les morceaux. Donc c'est beaucoup plus facile que bah, voilà, d'être un groupe de composition et d'essayer de proposer ses morceaux, d'essayer de, tu vois, de percer, etc., quoi. Ouais, non, Surtout en je... France où c'est pas facile hein, sur la scène métal de compo. Là, je trouve que dernièrement avec bah, on va dire avec Gojira qui s'est un peu imposé aux Jeux Olympiques, ça a redonné le vent dans le dos, on va dire, à plein de groupes qui sont en train d'émerger, Landmarks, enfin vraiment qui cartonnent, enfin il y en a plein, Novelist, tout ça. Mais juste qu'il y a eu un gros trou, je pense, dans les années 2010 jusqu'à maintenant. Et les groupes de métal français n'étaient pas du tout soutenus, quoi, donc c'était très compliqué. Pour vous, c'est quoi être un bon groupe de tribute? C'est forcément réussir à faire un copier-coller de ce que l'artiste original fait, ou c'est vous attribuer finalement, enfin vous réadapter un peu les morceaux à vous aussi et enfin, voilà, et proposer quelque chose qui se tienne, même si c'est pas forcément un copier-coller de ce qu'on pouvait voir dans tel ou tel stade avec les artistes américains. Non, Vas-y, je pense Tony. que Antoine. pour moi, la clé, c'est quand même de, bon, évidemment, d'aller piocher dans les codes visuels et aussi au niveau du son de ce qu'on veut représenter de l'artiste original, mais il faut toujours garder quand même son authenticité, en fait, j'ai envie de dire. Parce que faire un copier, quand tu vas rentrer dans l'imitation, on va être sur quelque chose qui est moins naturel et ça se voit, en fait, tu le sens tout de suite. Donc c'est vraiment garder ce côté authentique. Après, l'alchimie des musiciens, la palette sonore, évidemment, on va se retrouver sur quelque chose de ressemblant. Mais ça n'empêche que, alors, nous, en tout cas, dans Solderside, on a pris le parti de construire notre propre son de groupe, en fait. L'idée, c'était pas vraiment de copier-coller le son des albums de système, mais plus voilà, de le retranscrire avec notre énergie. Okay. Vous avez à peu près la même lecture, les gars, ou pas? Ah, moi, ce que quelque chose à rajouter? J'ai quelque chose à rajouter, en effet, c'est que en fait, même les groupes qu'on reprend, ils ont, enfin surtout Linkin Park principalement, a évolué au cours de sa carrière, en fait. Donc tu peux pas dire je prends Linkin Park, je suis une copie de Linkin Park, mais du coup tu dois dire je suis une copie de Linkin Park de quelle année? Parce que le Minutes to Midnight, le One More Light ou le Hybrid Theory, c'est rien à voir, quoi. Donc moi je suis assez raccord avec ce que vient de dire Tony. On doit essayer de s'approcher un maximum des codes du groupe qu'on reprend. Après, en amenant notre énergie, forcément, bon, nous, on n'a pas un Chester Bennington, ça se trouve pas non plus dans le coin de la rue. C'est top 3, voire top 3 des meilleurs chanteurs de tous les temps. Donc, effectivement, mais on amène nos points forts tout en respectant, en restant fidèle à ce qui fait le succès, ce que les gens attendent d'un tribute qui a interprété du Linkin Park. Et pour nous. Bon, c'est un petit peu, je vais reprendre un petit peu aussi ce qui a été dit, mais tu vois, typiquement, Slipknot, ils sont 9 sur scène. Ouais, j'ai vu que vous n'étiez pas à 9 on n'est que 6. Mais en vrai, c'est une question logistique, hein. C'est-à-dire qu'on est 6 musiciens, mais dans le crew, on a également un ingé light, un ingé son et une merch girl ou un merch boy. qui nous aide sur scène, enfin tu vois, qui est un peu homme à tout faire. Mais du coup, on est 9 dans le van déjà. Donc ne serait-ce qu'un musicien en plus, c'est louer un autre van, tu vois. Donc bon, à un moment, c'est compliqué. Et mine de rien, c'est là où tu te dis, Slipknot, c'était vraiment, ça passe ou ça casse, quoi. Un projet comme ça, c'est mine de rien une très grosse machine de guerre, tu vois, avec deux percussionnistes. Enfin, genre vraiment, ils ont une formation hyper particulière, un DJ machin, et voilà, on a essayé de faire en sorte de faire un peu plusieurs postes chacun pour reproduire toute la musique qui propose, et puis après ouais, on se réapproprie aussi le truc comme nous on l'a ressenti et comme on l'a vécu quand on avait 16 ans, quand on avait découvert le groupe, tu vois. On avait vraiment cette rage, cette patate des débuts de Slipknot qu'on a envie aujourd'hui de retranscrire dans nos concerts, notamment pour les jeunes qui, tu vois, de 20 ans qui n'ont pas connu forcément cette époque, quoi. Oui, bien sûr. Ben, justement, Alexis a commencé à en parler un petit peu. Moi, j'allais vous demander comment vous gérez justement l'évolution de vos groupes, des groupes américains respectifs, parce que Alexis, avec Meteora, eux, c'est tranché, en fait, ils se concentrent sur les trois premiers albums et sur la période Chester Bennington, où il y a encore du growl et des choses comme et ce genre de choses. Mais tu vois, par exemple, sur Slipknot, il y a eu énormément d'évolutions de membres, on peut parler facilement de deux voire trois périodes musicales avec vraiment des variations. System of a Down, c'est encore différent. Il y a plus d'albums depuis longtemps. Voilà, c'est ça. En fait, t'as eu un gap où il y a tout eu, et là, depuis 20 ans, on attend toujours la suite. Comment vous gérez justement ces évolutions-là des groupes de tête? Vas-y, Tony. Ouais, ben nous, après, c'est un peu comme Meteora, hein, finalement, on est. On a commencé à vraiment bosser les deux premiers albums, notamment Toxicity, qui reste incontournable. Après, on a intégré des morceaux de Mesmerize et Hypnotize. Mais en fait, en gardant quand même le son un peu plus brut des deux premiers albums. Et puis, ben, nous, on tourne là-dessus. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas, de changement de line-up. Oui. Et puis, il n'y a pas de nouvelles compos. Il y en a eu deux nouvelles, hein, qui sont tombées un peu de nulle part là, comme ça. Bon, on peut marquer les esprits, en tout cas chez nous. Voilà. Fallait payer les impôts. Hein. Ouais, c'est peut-être ça, il y avait quelques factures, ouais. Oui, Et bon, du coup, personne n'a trop relevé cet pour le moment, album. voilà, on est sur ce credo-là et ça fonctionne plutôt bien. Donc, voilà. Ouais, et nous, bah pareil, hein, on est aussi sur les débuts de Slipknot, Oui. principalement les 3-4 premiers albums. Après, on se ferme pas de porte parce qu'on se dit aussi qu'il y a un moment, bah, plus tu avances, plus tu as besoin de renouveler aussi ton set, tester des nouvelles choses. Donc, on a aussi testé des morceaux que Slipknot n'avait, par exemple, pas beaucoup joué en live, voire jamais. Bah voilà, tu testes, quoi. Tu vois ce que ça donne, la réaction du public. Après, au niveau des masques et enfin, des personnages du Ouais, groupe, c'est plus la période Iowa, tout ça, j'ai ouais, vu on est sur les plus sur masques. la Ouais. période Iowa, mais malgré tout, on a quand même des masques qui sont pas qui sont pas tout à fait raccord, tu vois. Quand tu regardes bien, enfin moi par exemple, j'ai un masque inspiré Iowa, mais en vrai c'est un masque qui n'existe pas, tu vois. Oui. C'est un il s'appelle le Rotten Iowa. C'est l'artiste qui l'a fabriqué, qui l'a appelé comme ça, parce que c'est en gros le masque d'Iowa, mais comme si il avait pourri et que c'était un Ouais. peu voilà, C'est un galère. tribut de masque. Et Ouais. par exemple, notre clown, il a un masque beaucoup plus récent. Ouais. Mais donc voilà, en fait, chacun a pris le masque qui lui plaisait le plus, et on s'est dit, bon, on ne sera pas complètement raccord, tu vois, niveau des masques, mais on s'en fout, quoi. Enfin, encore une fois, on veut reproduire l'énergie du groupe plus que faire un copier-coller parfait, quoi. Ouais, c'est ça. Et bah justement, quel est le titre un peu que vous jouez chacun et qui est un peu le plus dur à jouer, le plus galère parce que la performance vocale fait que, ou la performance musicale tout court fait que c'est compliqué? Au chant, alors nous ça a été essentiellement au chant, on va pas se mentir, mais c'est vrai qu'il y en a des costauds. With You n'a pas l'air, mais est assez chaude. Giving Up. Après, même les plus basiques, Faint, etc., elles sont enfin, une sacrée endurance. Et puis en fait, Chester, il variait pas mal entre le chant clean, la saturation, le gros scream. Donc. Voilà, on va dire que c'est surtout le chanteur Ouais, qui qui doit galère. être au rendez-vous. Ouais. Mais après, oui, je pense que d'un point de vue technique, pour les musiciens, Slipknot, c'est incomparable avec ce que nous, on peut jouer en termes de complexité. Et système, c'est entre les deux, je pense. Ouais, nous, ça va être au niveau du chant, il peut y avoir. Alors, c'est un morceau qui a l'air de rien comme ça. Il s'appelle Hypnotize. Alors, une petite dédicace aux autres membres du groupe. Celui-là, on ne joue pas tout le temps et c'est moi qui rechigne un peu parce que les deuxièmes voix vont très, très, très, très haut. Et voilà, c'est un peu moins fait pour moi. Donc celui-là, pour moi perso, ça va être, on va dire, le plus galère à jouer. Après, sur système, c'est le batteur hein, qui va nous dire alors, ces morceaux-là, je peux les enchaîner. Mais là, par contre, il me faudrait peut-être un truc un peu plus soft pour pouvoir tenir sur toute la durée. Voilà, c'est vrai que. Des fois, j'ai fait des setlists où j'ai pas été très, très tendre avec lui. Et voilà, on adapte selon la forme du moment. Et pour nous, je dirais que ça dépend des morceaux. Parce que par exemple, pour ma part, le morceau le plus difficile, c'est Spit It Out. Parce que c'est un rap ultra rapide, vraiment. C'est très difficile pour moi. Après, je sais qu'à la. Mais pas du Mais tu vois, la guitare, c'est hyper simple. Pour eux, c'est tout, genre, c'est easy. Mais je sais qu'à la batterie, on a Disaster Piece, qui est un sacré morceau. Et même au chant, en vrai, quand on a fini de le jouer, celui-là, on fait une petite pause, on boit un coup d'eau, tu vois, parce que, genre, c'est 5 minutes de bastonnade non-stop. Après, c'est sûr Après. que vous êtes pas attaqué à la période la plus facile de Slipknot pour tenir la rythme, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr, mais bon. Après, c'est des morceaux qu'on kiffe et qui sont iconiques, tu vois. On se dit Oui. qu'on peut pas les jouer, en fait. Oui, bien sûr, bah, oui, ben, de toute façon, je pense que c'est pareil pour vos trois groupes, mais vous avez un peu. Il y a un cahier des charges minimal sur certains morceaux parce que bah, c'est les morceaux légendaires des groupes. Ouais, clairement. Ah non, on peut pas jouer. Enfin, si on ne joue pas Numb ou In the End, ça va être compliqué, quoi. On le sait très bien. Ouais. Et après, il y a des morceaux plus chill, je sais pas, des Before I Forget, voilà, qui sont un peu plus format single, Psychosocial, où bon là, c'est tu te reposes un peu, c'est plus musical, et voilà, mais sinon ça peut tricoter un peu quand même. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer les groupes américains que vous représentez et est-ce que vous avez eu l'occasion du coup de leur présenter votre travail? Alors, Non, je... pas Oui, pour Soldier Side en tout cas. non, ouais. Mais après, ils sont rares aussi en Europe, donc Ah forcément, ça aide oui, pas. ils ne sont pas trop trop passés. Ouais. Et on a eu la chance de pouvoir rencontrer de nombreux artistes, mais pas eux. Nous, alors moi j'ai eu la chance de déjà de voir Linkin Park une vingtaine de jours avant que Chester se suicide. Donc, et Ah, c'était la première fois que je les voyais. t'étais à Paris Ça. aussi, quoi. Non, c'était à Ah, Werchter Wellfest. en Belgique. À Werchter, Ok. c'est un gros festival rock en Belgique. Et donc c'était le 1er juillet 2017. Et donc là déjà, on les a rencontrés. Enfin, on les a rencontrés. On les a vus. On les a jamais Ouais. rencontrés en vrai, évidemment. Et après, non, pendant le Covid, on avait fait un morceau parce qu'on s'embêtait un peu et on avait besoin d'exprimer un peu de créativité. On a fait un morceau à la manière de Linkin Park. Et il y a plusieurs membres de l'équipe de Linkin Park qui a fait tourner, qui a partagé le morceau. Donc ça a D'accord. été jusqu'à Mike Shinoda qui a dit est-ce que, enfin, dans un de ses lives où un fan lui a demandé s'il avait écouté le morceau de Meteora qui s'appelle We Are Soldiers. Et il a dit qu'elle allait écouter. Bon, évidemment, j'ai jamais eu de retour. Mais Ouais. voilà. C'était le maximum qu'on ait pu faire comme approche avec Linkin Park. Enfin, Linkin Park, exactement. Ce qui est quand même très cool. Oui, Ouais. c'est déjà. Déjà, quand tu sais que c'est revenu jusqu'aux oreilles Ah du ouais. leader du groupe, tu te dis, bon, Ouais. C'est c'est clair. déjà un bon parcours. C'est clair. Et pour nous, bah pareil, on a eu la chance de voir Slipknot pas mal de fois en concert. C'est le groupe Et qui passe le plus en France, des trois. ouais, des trois, ouais. Bien qu'ils ne passent pas assez souvent à notre goût, Oui. mais bon. Mais autrement, ouais, il y a deux membres de chez nous qui ont eu l'occasion de rencontrer bah, nos deux guitaristes, en fait. L'année dernière, ils ont eu la chance de rencontrer bah, les deux guitaristes Pas qu'ils jouent. excellent. Ouais. Okay. Donc, c'était à Nancy. Et quand ils sont passés, voilà, l'année dernière. Et donc, en fait, on a Simon qui fait Jim Root, qui bosse pour Massisteria, en fait, en tant que guitare tech. OK. Et Massisteria jouait avec Slipknot, donc, bah, voilà, de fil en Ouais. aiguille, il a pu rencontrer Jim Root et Sid, le DJ. Et Frank, donc notre autre guitariste qui fait Mick Thomson, a aussi pu rencontrer Mick Thomson sur cette soirée-là, parce que lui, en fait, il est sponsor par la même marque d'ampli que Mick Thomson. Tu vois? D'accord. Et le gars qui fait, comment dire, le mec qui fabrique ces têtes-là d'ampli, c'est aussi l'ingé, pardon, pas l'ingé, mais le guitar tech de Slipknot. OK. Donc voilà, c'est des connaissances, machin, et bah, ils ont pu tous les deux en plus se rejoindre et discuter avec les gars, faire des photos et tout, et les mecs sont très cool, donc voilà, Génial. belle rencontre quoi, c'est plaisir. Et pour répondre à ta question, oui, on a discuté d'Early Maggots. Non, voilà, ouais, je joue toi. OK. Et les gars ont trouvé ça cool, quoi, tu vois. Ah ouais, non, mais Voilà. c'est toujours sympa d'avoir un retour à. Voilà, Et on leur de ce avait qu'on pouvait envoyé, avoir. on avait envoyé justement à leur Guitar Tech le clip, enfin les clips qu'on avait fait. Et voilà, il a fait passer aussi à Mick Thomson, donc normalement il a vu ça. Ce qui fait plaisir, tu vois, toujours. Tu sais Bah, pas bien sûr. trop, t'as pas de retour, mais tu dis qu'il y a Oui, un monde où il l'a bah. vu et. Oui. Et puis, bon. S'ils se plaignent pas, c'est qu'ils doivent considérer que c'est Ouais, c'est bien. clair. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ok. Bon, je vais finir avec une petite dernière question. Si vous deviez échanger vos groupes là et que vous deviez partir faire le tribut d'un autre groupe, vous partiriez sur quel avec qui? Dans les trois? Dans les trois ou autre? Enfin, tout à l'heure tu parlais de Rammstein, mais là pour le coup dans les trois ça peut déjà être marrant. Ah bah moi c'est Linkin Park sans hésiter Ouais. parce que Chester juste c'est un des chanteurs qui m'ont donné envie d'écouter du métal comme Corey Taylor quoi. Après c'est très très très difficile à chanter effectivement, mais voilà, je dirais Linkin Park. Moi, en tant que bassiste, alors pas forcément mon groupe préféré, mais un de mes groupes préférés, et c'est des parties que j'aime vraiment bien jouer, ça serait Rage Against the Machine. Ouais, c'est vrai qu'il est très très bon bassiste. J'ai mangé son prénom, mais c'est pas Symptôme, ouais. oui, merci. Symptôme, je sais plus quoi. Oui, Moi, comment. pour le challenge à la gratte. Un petit tour chez les Maggots, là, ça me ferait du bien. Fais bosser le poignet. Ah, j'avais repris Duality, entre autres, de Slipknot. Bon, on est sur l'entrée de gamme hein, chez eux, là. Mais ouais, pour le challenge gratte, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Cool. Bah, n'hésitez pas les gars à vous inviter les uns sur le plateau des autres. Hein. Vous jouez souvent Ah, ensemble. ça c'est fait. Julien, il vient faire régulièrement des petits tours. Ouais. L'arnaque en soi. Ouais, je viens faire des petits feats. On a Sur One quelques. Step Closer, ouais, il fait souvent. Quelques magots qui passent aussi chez Météora de temps en temps. Ouais. Pour de la rembla. C'est ça. Mais ouais. Super. Bah écoutez, j'ai envie de dire, je vous laisse vendre une dernière fois aux gens cette soirée du 16 mai, avant qu'on se quitte. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument venir vous voir enfin, voir vos trois groupes? Vas-y Julien, t'es un bon vendeur. Non, bah, quand on a fait le métronome, déjà, c'était une date de malade, quoi. C'était complet, C'était partie dur. complet. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir et on a reçu plein de messages de gens qui étaient dégoûtés de ne pas avoir pu être là. Donc là, ça leur donne une nouvelle occasion. Donc clairement, faut pas qu'ils la ratent. Et puis, ouais, le Bikini, comme disait Tony, c'est une salle mythique. Ah Je ouais. pense que voilà, on en a même moi qui suis parisien, j'y suis même jamais allé, mais je la connais de nom parce qu'elle est ultra connue cette salle, tu vois. Et ouais, clairement, on prépare des belles surprises, tu vois, pour essayer de vraiment faire la meilleure date possible. Et on espère que ce sera bien blindé pour bien retourner ça. C'est génial. Les gars, Nous, côté Tony aussi. Météora, ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu à Toulouse. D'ailleurs, on est venu qu'une seule fois. C'était aussi complet, mais c'était un peu plus petit que le métronome. Mais je pense que c'était une salle de 400, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est Tony. ça. Ouais. Et alors, l'année, je sais plus si ça devait être 2023 ou je dis peut-être des bêtises, je sais plus du tout. C'était après le Covid. Ouais, Ouais. 2022, hein, je pense, en 2022, 2022, 2023. 2023, ouais. Et donc depuis ce jour-là, bah, on a sans cesse des demandes de personnes, un peu comme Julien. Quand est-ce que vous revenez faire un tour à Toulouse? Il y a beaucoup de fans de Linkin Park, donc on a hâte de montrer comment nous on a évolué depuis la dernière fois où on est venu. Évidemment, on travaille beaucoup pour faire toujours une performance encore plus proche de ce que Linkin Park peut faire en live. Et puis on a hâte de rencontrer tous les fans de Linkin Park et aussi de Slipknot System évidemment, mais on sait qu'il y a une communauté de fans très importante en France et donc voilà, on espère que ça va être une fête exceptionnelle. Tony, un mot de la fin où ils ont tout dit et ça te Ils ont convient. absolument tout dit. Ouais, je t'en parlais tout à l'heure, c'est une salle mythique. J'en rêve depuis très très très très longtemps de pouvoir jouer là-bas. Et ouais, je pense qu'on a fait donc deux fois le métronome complet. Il n'y a pas de raison. On passe le step au-dessus. Venez les gars, venez nous soutenir. Venez vous amuser avec nous. Il va y avoir du gros saut. Très gros, très très gros. Super. Vous en sortirez pas indemne. Merci les gars, et du coup on donne un rendez-vous à tout le monde le 16 mai au Bikini. Yes. Réservez vos billets dès maintenant parce que ça sert à rien d'attendre la dernière minute, après vous allez pleurer sold out. Voilà, c'est possible. Merci. Merci à toi. Merci, merci beaucoup.